Un petit béguin, ça peut devenir dangereux. Un petit béguin, d'abord ça vous rend heureux. Et puis soudain, on a le cœur malheureux. Devenir dangereux, un cœur qui bat. D'abord ça vous rend heureux, et puis voilà, on est soudain malheureux. Un seul baiser ça devient terrible, quand d'autres le suivent de près. Un seul baiser c'est impossible, ensuite de pouvoir stopper. Un petit béguin, ça peut devenir dangereux, un petit béguin. D'abord ça vous rend heureux, et puis soudain, on a le cœur malheureux. On ne me perdra haleine. Un petit béguin, ça peut devenir dangereux. Soudain, on a le cœur malheureux, on aime, aime perdre.